Oui, le palmarès. Plus qu'une heure d'attente avant l'arrivée de Candide Roux au platine. Et j'ai regardé sa feuille de route, ça devrait être sexy. Bonjour, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM CISM. Je m'appelle André Péloquin. C'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit. On entame dès maintenant notre deuxième heure. C'est une heure essentiellement anglophone, sauf une petite surprise. Une collaboration entre TTC, Ghislain Poirier et Omnicrom. Ça s'en vient dans quelques minutes, mais avant, on va débuter avec un petit peu de pièce rock! Yeah! On va débuter dès maintenant avec du Dead From Above 1979. Ensuite, on va y aller avec une pièce qui a beaucoup joué ici sur nos ondes cette semaine. Je parle bien sûr de la reprise de Britney de la formation These Bones, et c'est l'excellente pièce Toxic. Oui! Oui! Je l'avoue, j'aime cette pièce. Celle-là est Gold Digger, j'aime ça et je me trémouche sur le popotin en l'écoutant. Des confessions en ondes. André, t'es fou, t'es comme... vous êtes comme mon blog. Oh my god! Je vais faire de la poésie gothique puis vous lire ça, là! Et on va terminer avec un groupe qui est censé faire beaucoup de bruit en 2006. Il s'appelle The Ark et ça ressemble aux Police. Avis aux fans. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, appelez-moi 343-CISM 343-2476. Il y a aussi le téléphone que je viens de vous dire. Il y a aussi mon courriel, c'est le plectrumcism@hotmail.com. Et finalement, mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Vous ouvrez là des résumés des pièces qui ont été jouées aujourd'hui, des petits téléchargements, que ce soit des pièces que j'ai trouvées sur Internet de façon légale, bien sûr, ou mes archives et des entrevues. Vous en aurez pour des heures et des heures de plaisir. On débute dès maintenant avec Better Off Dead de Dead From Above sur La Marge. À tout de suite. Je groove! The taste of your lips are on a roll. you on. I took a sip from my devil's cup. Slowly it's taking over me. I'm gonna have a no life, no life till I get out and I get high life. Oh, I said I'm gonna have a no life. Bonjour tout le monde! Vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, CISM. Je m'appelle André Péloquin, je suis Sagittaire, j'ai 26 ans et les pinottes peuvent me tuer. Vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, je m'appelle André Péloquin, oui, et c'est Plectrum, la grande traversée du jeudi. C'est Plectrum, la grande traversée du jeudi. C'est la soirée x2 aujourd'hui, je dis tout deux fois. Ok, j'arrête de niaiser. On vient de débuter cette deuxième heure de la grande traversée Plectrum avec des pièces plutôt rock. On vient de terminer avec la formation The Ark, c'était la pièce rock. City Wankers, tiré de leur album State of the Ark. Un peu avant, on avait la formation These Bones avec une, comme je vous le disais plus tôt, une pièce qui est extrêmement populaire ces temps-ci ici dans nos studios, les studios des Voilettes, c'est le nom de nos studios, c'est sexe. Hein? C'était la pièce Toxic, bien sûr, une reprise de Britney Spears. C'est tiré de leur album, de la compilation, pardon, The Sound of Young New York and Toronto. Et d'ailleurs, pour les fans de Britney Spears, il y a son copain Kevin Federline qui s'est lancé dans le rap crunk, et c'est très risible. Et si ça vous intéresse d'entendre une de ces pièces extrêmement vulgaires, allez sur mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Il y a un lien pour en télécharger une, et waouh, vous allez voir, c'est plaisant. C'est très intellectuel ce qui se dit là-dessus. On va poursuivre dès maintenant avec des pièces mettant en vedette les claviers. On va avoir droit à du Wolf Parade. On va aussi avoir droit à une nouvelle pièce des TV on the Radio qui reprennent les Yeah Yeah Yeahs. Et on va terminer avec un groupe qui sera le passage à Montréal le 1er mars. On est tous très excités. Je parle bien sûr de Matrix. Et on va entendre la pièce Post of a Girl. Mon Dieu, je devrais la remplacer. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, passez par mon téléphone. C'est le 343-CISN, 343-2476. C'est mon cellulaire jusqu'à 18h. Et si vous êtes intéressé par la balado-diffusion, le podcasting, allez sur le podmodernisme.blogspot.com. Vous allez avoir des réactions bizarres dans les oreilles et ils devraient être plaisantes. Là-dessus, trêve de blabla. On débute maintenant avec It's a Curse, The World Parade, sur la marge. À tout de suite! is no modern romance. Time is gone. It stops moving on. I was wrong. Nevertheless, there's no Rebonjour tout le monde, c'est toujours La Marge, le 89.3 FM CSM que vous écoutez, la radio de l'Université de Montréal. Je m'appelle André Péloquin, c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit. On vient de terminer un bloc constitué de pièces de Matrix, la dernière pièce qu'on a entendue, c'était Poster of a Girl. C'est tiré de leur nouvel album Live It Out. Un peu avant, on avait une reprise des Yeah Yeah Yeahs de la part de leur compagnon de route TV on the Radio, c'était la pièce Modern Romance. Et on a débuté avec ces chouettes Montréalais qui étaient hier de passage au Late Late Show de Craig Ferguson pour jouer une pièce en direct pour un public américain ébahi. Surtout qu'ils étaient censés passer le mardi d'avant, mais ils ont manqué de temps. Et ici, on a affaire au réseau CBS. Ouh là là, que de professionnels. On a entendu la pièce It's a Curse, c'est tiré de leur album Apologies to the Queen Mary. On va poursuivre maintenant avec un petit peu de hip-hop, si vous voulez. On va y aller avec du DJ Doppelbanging qui va mettre ensemble dans une espèce de bouillon, donc... ça va être un mash-up de la Bastard Pop, une pièce de Obie Trice et de The Feint. Ça devrait être super intéressant. Ensuite, on va poursuivre avec du DJ BC qui lui a repris du MIA à la sauce dub. Et on va terminer avec un petit bonbon qui devrait se retrouver sur le prochain EP de Omnicron qui va sortir en février. La pièce s'appelle Pour te réchauffer. Attention, ça met en vedette Ghislain Poirier, Omnicron et les garçons de TTC. Ça promet. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre à plectrumcism@hotmail.com. C'est mon adresse courriel. Il y a aussi mon site web, plectrumcism.blackspot.com. Il y a aussi ma baladodiffusion, podmodernisme.blackspot.com. Et finalement, le bon vieux téléphone, ce moyen préhistorique de parler au monde. Oui, c'est le 343-CISM, 343-2476. On débute dès maintenant ces pièces hip-hop avec Paranoid Teeth Attack de DJ Double Banging sur la marge. 89.3 FM, CISM. Focus, hobos, got a career, and I like to be zen. This party in here, and I'm ready to talk naughty, and Veronica's here. She erotic, and it's hot, so I Heineken beer. Pull it to the side and invite her to cheers. Pull up a chair, nigga swear, no drama. Prepare for a player who working with a monster. I ain't got time to waste, let's vacate the place, shed blinds and drapes. Grind to your face in the grimy state, concentrate, you'll find that you're bound to cake. What we found was fake, we can watch two incredible mates, masturbate, why settle away? Let's escalate to the nearest super eight, until your rivers on the mirrors and the staring booty chicks, come on! This is my favorite song, I sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up, hopefully she got some teeth. This is my favorite song, I sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up, hopefully she got some tea. Okay, holy moly, derriere. Look around the club, booty everywhere. She caught me staring and my homie's daring me to approach Karen. She's model material, but she got a venereo. Tons of baby fathers, baby bottles and cereal. She holla cause I got a lot of denario. The DJ's playing Obie song on the stereo, and she's impaired and she wants to be heading home with the real thing, not the dildo clone. And I know I don't wanna be heading home with some double D's full of silicone. 10 hood rat chicks around me outside, found me outside, clown me outside, till I popped the trunk and they found me outside, busting at the bitches screaming off to they rides. This is my favorite song, I sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up, hopefully she got some tea. This is my favorite song, I sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up, hopefully she got some tea. Okay, roly-polies everywhere, I gotta find a slim chick's atmosphere. Obesity's blaring and she got me fearing, she gon' come over here and try to eat me literally, like a box of Cheerios, carrot cupcakes and chocolate Tootsie Rolls. I'm out of order cause I got a big girl disorder, so to cover up that blubber or I split. And I ain't got time to play, let's investigate another place today. Ladies less in weight and a dress they shape. Dresses petite, no window drapes. Word to mother, that goddamn okra and beans got your Oprah in jeans. Seems to me a little lean cuisine wouldn't hurt much. This is my favorite song, I sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up, hopefully she got some tea. This is my favorite song, I sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up, hopefully she got some tea. You gotta have teeth, baby. It just wouldn't look right. Look, me, big lips, you no teeth. It wouldn't work, you know what I'm saying? Yeah, I'm feeling good. Shady Records, man. Obie Trice. Come on. My favorite song, I sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up, hopefully she got some tea. And this is my favorite song, I sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up, hopefully she got some tea. Tone down. Natural defenses are crumbling. The barriers of caution are beaten down. Drag it, man. Try anything once. Fly. You can't get a habit from weed. Quit whenever you like. Don't be chicken. Si t'es un vrai Montréalais, saute en l'air pour te réchauffer. Avec qui s'employer, saute en l'air pour te réchauffer. Omnicroute et DC, saute en l'air pour te réchauffer. Pierre Poutine, gendarme en polaire pour te réchauffer. Omnicro TTC, au micro cuisinier, Montréal au premier plan, cuisinier au premier rang. Bounce ma grosse, ce n'est pas ma faute. Gista te fait tellement bouger que tu ne prends pas ta pause. On n'est que de la magie et ta blonde nous aime. Je ressors du club avec une bonne douzaine de Montréalaises bien bonnes tout de même. Qu'on se partage entre nous comme une bonne bouteille. C'est Jean Bord, tu peux pas me saouler. C'est Jean Bord, vas-y tu peux m'essayer. Ta femme va accoucher de moi avant que t'aies pu me branler. Surtout ne te retourne pas, les déjà entrés dégoûtés. J'en bats fait de la magie avec ses doigts. Des trucs qui sont vraiment contre la loi. Je deviendrai riche en rappant, ça ne prendra pas de temps. qui paiera pour faire faire mes dents. Un beau grill en diamant, des casquettes et des diamants. En micro-ondes, les synthétés, c'est mieux que les diamants. Si t'es un vrai Montréalais, saute en l'air pour te réchauffer. Avec Gisèle Boyer, saute en l'air pour te réchauffer. En micro-ondes, c'est saute en l'air pour te réchauffer. Pierre, poutine, chandail en polaire pour te réchauffer. Si t'es un vrai Montréalais, saute en l'air pour te réchauffer. Avec Gisèle Boyer, saute en l'air pour te réchauffer. Omnicron, TTC, saute en l'air pour te réchauffer. Pierre, poutine, chandail en polaire pour te réchauffer. Bouteille de la batte bleue ou bien pack de gros. Tu dis une blague de trop et on te casse le dos. Dans les clubs de strip et dans les boîtes de beauf, on pack le show. Bounce le gros, yo. En échange ta femme contre quelques grammes de coke. Elle est pas très belle mais disons qu'elle est pas mal de dos. Et si ça ressemble à de gros citrons, tu ne me crois pas, demande à Ghislain ou à Omnicron. Je m'amène pour des filles deviennent des chiennes. Les autres me sont des lesbiennes. Elles adorent tous le goût de la crème. Tellement bling bling à chaque jour. Je magasine, on me gromme DLC, tu comprends plus rien. On me gromme DLC, il te reste plus rien. Bounce, bounce, bouillish. Faites-moi devenir riche. Dieu me dit de prendre sa place. J'ai plus besoin de tirer ma chasse. Tellement plaisant la vie de Gabo. Celui de Jess, elle monte le fou. Tu veux m'en montrer plus. Mais moi, je te sens ce que tu sais. L'air du Canada me plaît. C'est un paradis frais. T'es essayé en place. Toujours plus efficace. Tu sais combien. Ça claque, où c'est qui est le Mac? Doberman. Une ville où les filles belles me draguent, elles chantent mes paroles et m'étonnent. À Montréal, pour que tu bounces ma grosse et que tu casses la coupe. À Montréal, au 17ème étage de ma tour, on fait des connaissances, on est de retour. Real star. Si t'es un vrai Montréalais, saute en l'air pour te réchauffer. Avec Gisèle Boyer, saute en l'air pour te réchauffer. Omnicron, TTC, saute en l'air pour te réchauffer. Pierre, poutine, chandail en polaire pour te réchauffer. Si t'es un vrai Montréalais, saute en l'air pour te réchauffer. Avec Gisèle Boyer, saute en l'air pour te réchauffer. Omnicron, TTC, saute en l'air pour te réchauffer. Pierre, poutine, chandail en polaire pour te réchauffer. Time is getting red. It's getting dread. I'm going to bring in the new world order upon way. Boy. Je dirais même plus, rebonjour. Vous écoutez toujours La Marge du 89.3 FM CISM. Je m'appelle André Péloquin. On vient de terminer quelques pièces hip-hop ici à la Grande Traversée du jeudi Plectrum. On a terminé avec Ghislain Poirier, Omnicron et TTC sur la pièce Pour te réchauffer. Ça va être disponible en février sur le prochain EP de Omnicron. Ils sont de la magie. Un peu avant, on avait DJ BC avec la pièce, vous allez me pardonner mon espagnol, Quien va encontrar La Festa de Machomba, hein? Hein? Et on a débuté ce bloc avec DJ Double Banging, c'était la pièce Paranoid Tite Attack. On va terminer cette émission dès maintenant avec un petit peu de musique acoustique, plutôt folklorique, plein de mots et d'épithètes, mais surtout de la bonne musique avec de la guitare. On va débuter avec Islands, un extrait de leur album Apparaître. Je crois que ça a été repoussé jusqu'en mars, un truc du genre. Très attendu, nouvelle mouture des Unicorns, je vous le rappelle. Ça va être la pièce Volcanoes. Ensuite, on va y aller avec un démo, qui sonne plutôt bien pour un démo, de Arcade Fire, qui est paru en 2001. La pièce s'appelle Accidents. Ensuite, on va enchaîner avec du Nina Gordon. Ça va être la pièce Straight Outta Compton. Ça vous dit peut-être de quoi? C'est évidemment une reprise de N.W.A., formation hip-hop culte. Et bien sûr, qui dit N.W.A. dit des textes incendiaires. Alors, si vous avez des enfants, prière de leur boucher les tympans. Et on va terminer avec les Yeyeyez, une nouvelle pièce. Mon Dieu, c'est comme l'édition spéciale Plectrum Yeyeyez. Une nouvelle pièce qui devrait paraître bientôt. C'était enregistré lors d'une session acoustique pour America Online. La pièce s'appelle Our Time et c'est très joli. Là-dessus, je m'appelle toujours André Péloquin. Je retourne dans mon royaume les Carpates, où est-ce que je suis un vampire et que je tue le monde qui ne sentent pas l'ail. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'écrire à plectrumcsm@hotmail.com. Vous pouvez aussi passer par le téléphone, c'est le 343-2476, 343-CISEM. Il y a aussi ma balado-diffusion, c'est le podmodernisme.blogspot.com. Et c'est pas mal tout ce que j'avais à dire cette semaine. À la semaine prochaine, tout le monde, et ça va être fantastique. Salut! I was killed in 1936 by my brother. I'm a demon. I want you to know that the world is going to end in 2007. You will be set apart. There's a very large active volcano underground. The world is going to go into a global winter. It's going to be no sun, and the world is going to freeze. The trouble is the dark. Trolls on that tape, getting stepped on like a baby. Maybe slept too long, is that so wrong? So at sunrise we blew dawn. By lunch the storm had gone away. I didn't swim, but I watched the waves while others stayed under for a change. Yeah. Oh, yeah. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube, from a gang called Niggers with Attitude. When I'm called off, I gotta sawed off, squeeze a trigger and bodies are hauled off. You too, boy, if you fuck with me, police are gonna have to come and get me off your ass. That's how I'm going out, for the punk motherfuckers that's showing out. Niggas start to mumble, they wanna rumble, mix them and cook them up in a pot like gumbo. Going off on a motherfucker like that with a gat that's pointed at your ass. So give it up smooth, ain't no telling when I'm down for a jack move. Here's a murder rap to keep you dancing, with a crime record like Charles Manson. My AK-47 is a tool, don't make me act the motherfucking fool. Maybe you can go toe to toe, or maybe I'm knocking niggas out the box daily, weekly, yo, monthly and yearly. And to them dumb motherfuckers, see clearly that I'm down with a capital CPT. You can't fuck with me, so when I'm in your neighborhood, you better duck, 'cause Ice Cube is crazy as fuck. As I leave, believe I'm stomping, but when I come back, boy, I'm coming straight out of Compton. Coming straight out of Compton. But I was left with my eyes, and So glad.